Isanganiro. Bonjour chers auditeurs, bienvenue tous à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée de ce samedi dont voici les titres. La paroisse Kanyosha compte ajouter les messes afin de respecter la distanciation sociale lors de la célébration des messes dans le but de se prévenir contre la pandémie du coronavirus. Vous entendrez le curé de cette paroisse dans ce journal. Et les sénateurs burundais dénoncent les routes asphaltées qui ne durent plus longtemps. C'est un reportage que vous allez suivre tout à l'heure. Et à Mwaro, nous sommes au centre du pays. On vous parlera des sites touristiques qui ne sont pas aménagés. Au moment où le 18 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des monuments et des sites. Et comme tous les samedis, après ce journal, vous avez droit à la revue de la presse. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, les chrétiens de la paroisse Kanyosha sont appelés au respect des mesures de distanciation sociale pendant la célébration des messes en se séparant d'au moins un mètre les uns des autres afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. Ce sont les propos du curé de la paroisse Kanyosha. Thomas Mugirene rappelle aussi que les messes seront ajoutées pour que chaque choriste ait son micro propre à lui. On l'écoute. Ici à Kanyosha, nous sommes concernés par cette pandémie. Et puis nous suivons les informations que nous donne le gouvernement, le ministère de la Santé. Surtout que parmi les premiers cas qui ont été annoncés ici au Burundi, il y aurait quelqu'un qui est de notre quartier. Donc tout ça fait que nous devons être sensible, être prêt pour nous protéger et protéger les chrétiens qui viennent prier ici à la paroisse. Et nous avons pris des mesures, pas des mesures extraordinaires, mais les mesures que le gouvernement, que le ministère de la Santé nous a données, sauf que nous mettons en application concrètement, localement, pour voir comment on peut être propre, comment à l'église on doit s'asseoir au moins à une distance d'un mètre. Les chrétiens à l'église doivent s'asseoir à un mètre l'un de l'autre et cela, nous devons le mettre en application concrètement. En prenant compte des distances, de la capacité d'accueil de notre église. Et ainsi, nous sommes obligés d'aménager à l'extérieur de l'église pour que les chrétiens qui sont entassés dans l'église puissent trouver de l'espace en dehors. Nous pensons aussi que les chorales qui chantent sont aussi un groupe à risque, surtout qu'ils utilisent des micros, qu'ils sont assis ensemble pour chanter une même voix. Mais nous avons trouvé avec une formule pour qu'il n'y ait pas de contamination à cause du chant à l'église, à cause des micros. Nous avons pu trouver des solutions. Nous pensons aussi ajouter des messes pour désengorger les messes qui étaient prévues au cours des dimanches. Au lieu de 4, nous en prévoyons 5 ou 6. Tout ça, ce sont des mesures qui regardent comment mettre en application les mesures barrières que nous avons reçues de la part du ministère de la Santé. Et les sénateurs burundais s'indignent de l'état des routes bitumées construites ces dernières années qui n'ont duré plus longtemps. Le ministre des Travaux publics promet d'installer des ponts bascules sur certaines routes pour faire respecter le tonnage des camions, sans oublier le renforcement du contrôle et de construction des routes. C'est au moment où ce jeudi, il était l'invité du Sénat en sa séance plénière d'adoption du projet de loi portant ratification de la République du Burundi d'un accord de prêt auprès d'une banque arabe pour le dédoublement du tronçon rond-point Chani qui est à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, Gérard Nibigira. Le deuxième vice-président du Sénat, Anice Niungabo, dit que la destruction précoce des routes bitumées qui s'observent depuis quelques années fréquente. À titre d'exemple, il cite les axes Nyamitanga, Ruwa et Bubanza, Ndura. Il ajoute que cela amène à se demander si oui ou non l'État était représenté lors de l'exécution des travaux de construction de ces routes et cela fait honte. Il souligne que les travaux sont mal faits alors que l'État s'endette pour que de tels travaux soient réalisés. Et comme conséquence, c'est la dégradation des routes construites avant même que l'État ne rembourse ses dettes et ce phénomène se reproduit d'une année à une autre. De son côté, le ministre des Travaux publics, Jean Bosco Nzundimana, indique qu'il a approché les bailleurs de la construction de la RNNF Bubanza-Ndura pour se rendre compte des causes réelles de sa destruction précoce. Cela parce que certaines opinions parlaient de la morphologie du terrain au moment où certaines d'autres parlaient de la mauvaise exécution des travaux. Même chose pour l'axe Nyamita. Ruwa. Il affirme néanmoins que même les camions de l'entreprise de fabrication du ciment à Bousseko contribuent beaucoup dans la destruction des routes. Comme solution, le ministre Jean-Bosco Nzenimana propose l'installation des ponts Baskire, Aruwa, Kovero et Mugina pour vérifier le tonnage des camions. Ces ponts Baskire permettront à voir si oui ou non les camions ont dépassé le tonnage exigé, a-t-il continué. Autre chose qu'il évoque, c'est de renforcer les surveillances, les visites et les missions de contrôle pour se rassurer que les fonctionnaires dirigeants exécutent correctement leurs tâches. C'est au moment où le tronçon de route qui va du palais présidentiel de Gitega et qui rejoint la route Ngozi-Gitega au campus Izege de l'Université du Burundi a été endommagé à certains endroits à moins de 2 semaines de son fonctionnement. Et maintenant, l'entreprise Soja Satom qui l'a conçu est en train de le réhabiliter. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03 dans nos studios, poursuivons ce journal. Les sites touristiques situés en province Mngaro, nous sommes au centre du pays, ne sont pas bien entretenus. Ces derniers ont une grande valeur dans l'histoire du Burundi. Le conseil socioculturel du gouverneur de la province Mngaro, Clavé Ngurube, indique que ces sites devraient être aménagés car ils pourraient constituer une source de revenus, n'est-ce pas, Laurent Ndikuriyo? Parmi les sites touristiques situés en province Mwaro, on peut citer notamment les chutes de Gasomo sur la rivière Kayokwe qui coule entre les communes Gisozi et Kayokwe. Ces chutes sont associées à l'ancien culte de Kubandwa. L'autre site touristique est la forêt d'Omotsa, située en commune Rusaka, qui est un lieu où l'on enterrait les reines et les reines-mères sur le Burundi monarchique. En commune Visoro, sur la colline Mabaya, il y a une pierre où les frères Nsoro et Djabwe jouaient le jeu dit Urubugu. L'un de ces deux frères serait le père du premier monarque burundais, d'après Nguru Clavé, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Mwaro. Il précise aussi qu'il y a un petit lac aménagé près de l'Isabou et des arbres plantés vers les années 1930 qui sont à la station de l'Isabou de Gisozi, créée en 1929. Clavé Ngurube, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Mwaro, ajoute que ces sites ne sont pas entretenus. Pourtant, ces endroits peuvent générer des devises pour la localité et même pour le pays. Il interpelle le ministère ayant le tourisme dans ses attributions de songer à aménager ces sites pour qu'ils soient rentables. Il encourage aussi les projets d'intercommunalité d'investir dans ce domaine. Le 18 avril, c'est la journée mondiale des monuments et des sites. De moi, Laurent Ndikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikuriyo. Demain, rendons-nous à Karusi où les éleveurs de cette province ainsi que ceux de la commune Mwakiro de la province Muyinga ainsi que d'autres intervenants dans le domaine agro-pastoral sont appelés à récupérer les activités qui étaient exécutées par le Prodéfi en collaboration avec FIDA. C'est au moment où dans 8 mois ce projet prendra fin, n'est-ce pas, Blaise Pascal Kararumi? 2710 vaches de type Effizone ont été distribués par le projet Prodéfi, projet de développement des filières en français, qui est financé par le FIDA, et ces vaches sont distribuées dans les familles de cette commune de la province Karusi. Et la commune de Mwakiro de la province Muyinga, qui est frontalière de Karusi. Les 2710 vaches sont constituées de 1396 vaches qui ont été importées et distribuées en délo, et par après, 1315 veaux qui sont nés de ces vaches distribuées, et ces veaux par la suite ont été aussi distribués dans les différentes familles de la chaîne de solidarité. Cela a été dit ce vendredi lors d'un atelier de préparation de transfert des compétences. Des compétences actuellement assurées par le Prodéfi qui doivent être transférées aux ayants droit de ce projet du repeuplement du cheptel. Les responsables du Prodéfi ayant réuni les responsables de l'administration du niveau provincial jusqu'au niveau des communes, le bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage de l'environnement jusqu'au niveau communal et les responsables des coopératives qui œuvrent dans le secteur de l'élevage pour une préparation collective et consensuelle, tout en signalant que la fin du projet se projette dans les 8 mois prochains. Ces responsables du Prodéfi et du bureau provincial d'agriculture, de l'élevage et de l'environnement dans les deux provinces, indiquent que ces éleveurs sont bien sensibilisés et formés pour 3 volets importants, tels que la production, la transformation de leur production et la commercialisation de ces dernières, tout en signalant aussi que 50 porcs ont été donnés aux familles les plus vulnérables qui ne sont pas capables d'élever des vaches, et cela pour le secteur de la nutrition. Le conseil économique du gouverneur de Karusi et le conseiller principal du gouverneur d'Omuyinga saluent le poids de développement actuellement observable dans ces familles assistées par Prodefi, affirment qu'en collaboration avec les responsables de l'administration jusqu'au niveau de Colline et les techniciens qui doivent encadrer ces éleveurs, ils feront tout pour continuer à avancer dans ce développement. Et ce s'élevant d'une feuille de route qui sera mise en place avant la remise et reprise. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal et les matchs retour du championnat de volleyball pour les clubs membres de l'association de volleyball de Bujumbura sont prévus ce samedi. Dans le match d'ouverture, la formation New Colombe va affronter les As ce moment où Rukinzo va croiser le fer avec Bujumbura Uwezo Andani. Au basketball, le championnat de la province de Ngozi a commencé ce samedi. La nouveauté dans le championnat de cette année est la réduction des équipes qui ont passé de 5 à 4. Et voilà, chers auditeurs, à 13h08, c'est parti que nous mettons la boucle de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été mis en onde par Elika Dogo, à qui je dis merci. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean-Bosco Nduimana et Francine Diokoubgayo. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Appel aux jeunes chrétiens à être des acteurs et des messagers de paix, ainsi titre l'agence burundaise de presse, un article rapportant le forum de trois jours organisé à la paroisse Christ Roi de Kayanza et qui a regroupé les jeunes de différentes paroisses du vicariat de Gatara dans le diocèse d'Ngozi. Selon le curé de cette paroisse, rapporte l'ABP, ce forum organisé sous le thème « Jésus-Christ mort et ressuscité qu'il nous aide à construire une église de paix » était une occasion de méditer sur la paix et d'initier ces jeunes à une cohabitation pacifique en cette période où le Burundi est déjà entré dans la phase des élections. Dans son homélie, lors de la messe d'ouverture de ce forum, écrit toujours ce quotidien, l'évêque du diocèse de Ngozi a appelé les jeunes à éviter de se rentrer dedans à cause des convictions religieuses, puisqu'a-t-il précisé, un chrétien digne de ce nom doit manifester sa chrétienté même dans d'autres secteurs de la vie nationale, à savoir l'éducation, la politique, la santé et bien d'autres. Enfin, l'idée de la banque d'investissement pour les jeunes, BIJ, se concrétise, écrit Burundi Echo. C'est en effet mercredi 15 avril que le président de la République, Pierre Nkurunziza, a ouvert officiellement les activités de cette banque au siège social de la BIJ, Sizamusinzira, dans la capitale politique de Gitega. Cet hebdomadaire socio-économique précise que cette banque aura pour objet de contribuer au financement des projets de développement économique initiés par les jeunes organisés en entreprise, en association et en coopérative de droit burundais. Burundi Echo rappelle aussi que les actionnaires de la BIJ sont l'État, 15%, et les communes, 85%, soit 71 millions chacune. Elle aura comme capital social de 10 milliards de francs burundais. Et l'agence burundaise de presse signale dans sa parution du 15 avril que pour prêcher par l'exemple, le président Nkurunziza va bientôt y ouvrir un compte bancaire qu'il continuera à alimenter après ses fonctions de chef de l'État. Et la voix de l'enseignant estime que les diplômés chômeurs pourraient être les grands bénéficiaires. Avec un taux d'intérêt faible de 7%, relève ce journal, cette initiative pourrait être une bonne occasion pour les milliers de diplômés de filières d'entrepreneuriat, de gestion des projets et d'économie qui attendent pendant plusieurs années leurs premiers emplois. Grâce aux connaissances acquises lors de leur formation, poursuit la voix de l'enseignant, ils sont capables d'élaborer de bons projets éligibles au financement par cette nouvelle institutions financières, surtout que les estimations de l'ISTEBU montrent que les 60% de la population qui représente les jeunes sont aussi les premiers et les plus durement frappés par le chômage. Le seul problème de cette catégorie des jeunes, selon cet hebdomadaire de l'éducation, est qu'ils ne sont pas intéressés par les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat dans lesquels l'investissement est plus rentable. Revue de la presse. La CNIDH s'en prend aux structures de l'État, écrit Net Presse, qui reprend le rapport présenté ce mercredi 15 avril courant par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, profondément choquée par les effectifs trop élevés dans les différentes maisons de détention. Le président de la CNIDH, rapporte ce quotidien en ligne, a indiqué qu'il existe plusieurs cas de détention provisoire décidés dans l'illégalité et met devant toute leur responsabilité les ministres de la Justice et celui de l'intérieur, pour surseoir à cette habitude. Éviter un drame dans nos prisons, titre l'éditorialiste du journal Iwachu, pour qui la surpopulation carcérale, dont 45% sont en détention préventive, fait froid au dos, effraie au regard de la pandémie du coronavirus qui inquiète le monde entier et qui est déjà dans nos murs. Certes, cet hebdomadaire tempère son alerte en reconnaissant que des mesures ont été prises pour diminuer les contacts physiques, notamment l'interdiction des visites. Toutefois, fait remarquer cet hebdomadaire, les gens qui y travaillent, comme les surveillants, les cuisiniers, rentrent chez eux, prennent les transports en commun, se mêlent à la foule, rencontrent leur famille. Mais rendre la prison hermétiquement fermée est impossible et est susceptible de créer un climat de panique et d'angoisse derrière les barreaux. Et comme le souligne le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, il est vital que le gouvernement prenne en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d'action de crise. Pour l'éditorialiste du journal Iwachu, il y a donc urgence à désengorger nos établissements pénitentiaires surpeuplés et de conclure que la propagation du coronavirus y serait dramatique. Et ainsi se referme cette revue de presse présentée par Francine Ndiokoubgayo et Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.